بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد. فالسؤال الأول يقول: ما الجواب على الشبهة التي تقول بأن السلفية تفرق؟ La question dit, la première question qui est posée à Cheikh Obeid Hafidhahullah Ta'ala lors de la fin de cette conférence est: quelle réponse nous devons donner à l'ambiguïté qui dit que la salafia divise. يقول حفظه الله أقول هذه المقولة ناشئة عن أحد شيئين إما سوء القصد وإما سوء الفهم وسوء الفهم بمعنى الخطأ أمره سهل لأن من فهم فهما سيئا وكان قصده الحق إذا استبان له الأمر قبل إذا بوين له الحق بدليله يقبل. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, je dis, pour cette question émane de deux choses. Son origine, c'est deux choses. Une mauvaise intention ou une mauvaise compréhension. L'un des deux. La mauvaise compréhension, c'est la personne a compris, n'a pas compris comme il se doit. La situation est simple. S'il a mal compris, s'il cherche la vérité, la situation est simple dans ces cas-là. Quand la vérité lui sera montrée, détaillée, ben il va l'accepter avec sa preuve. وَأَمَّا سُوءُ الْقَصْدِ وَهُوْ فِي الْحَقِيقَةِ الْهَوَى وَالتَّعَصُّبِ وَالْعَمَى عَنْ كُلِّ مَا يُخَالِفُ مَشْرَبَهُ فَهَذَا فِي الْغَالِبِ لَيْسَ فِيهِ حِيلَةٌ وقل من يهتدي من أصحاب هذا المسلك فالقوم إما أصحاب أهواء وأصحاب بدع ورأوا أن المنهج السلفي يكشف عوارهم وزيفهم ويجلي حقيقة غشهم وخداعهم للناس في ادعائهم كذبا أنهم دعاة إلى الله وليس كذلك وإما أنهم يجهلون المنهج السلفي فهؤلاء ندعوهم إلى العلم كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. Il dit حفظه الله تعالى quant à la mauvaise intention. Il dit en réalité ça c'est les passions et c'est le fait d'être sectaire et c'est le fait d'être aveuglé. Hein? Dire que la personne ne veut rien voir, tout ce qui est en divergence avec cette tendance, il ferme les yeux dessus parce qu'il est sectaire à sa tendance et à ses principes fondamentaux. Donc tout ce qui est en divergence avec ses principes, il ne veut pas les voir. Il est sectaire à sa voix, il est sectaire à son groupe, ou là à une personne, etc. Hada en général des cheikhs, il n'y a rien à faire avec. Ah, des gens ainsi, peu ils vont être guidés. Ah, des gens qui sont dans le sectarisme, qui suivent leur passion, etc. Rare qu'ils vont se guider des cheikhs avec Allah. Donc les gens, soit c'est des gens qui suivent leur passion, soit des gens de l'innovation, et pour eux, la voie salafie est une voie qui les dévoile. C'est une voie qui les dévoile. Et qui les montrent sur leur réalité, et dans leur réalité, hein, et qui montrent leur trahison de la communauté, ils montrent comment ils trahissent les gens, comme ils prétendent qu'ils sont des prêcheurs vers Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils ne le sont pas, et la voix salafie, la voix de la vérité, les dévoile. Donc c'est pour ça qu'ils la fuient, hein, et qu'ils disent que ça divise. يقول ou alors ce sont des gens qui ignorent ce que c'est que la voie salafie. Et dit cela on les appelle vers la science, vers l'apprentissage. Et il cite le hadith du prophète alayhi salatu wassalam rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim qui dit celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la science de la religion. سؤال ثاني كيف نرد على طارق سويدان prouve que la conférence, il est vieille, hein. Mais seulement les ambiguïtés qu'il y a dedans sont de nos jours, sont identiques. C'est pour ça que dans cette question-là, à la fin de cette conférence, il y avait des questions sur Tariq Suidan. Comment répliquer à Tariq Suidan? La réponse, أولاً, من هو Tariq Suidan? وما هو Tariq Suidan? فمن هو? D'abord, la réponse, qui c'est Tariq Suidan? Qui il est Tariq Suidan? Qui il est? فقال, حفظ الله, رجل من أهل الكويت, وكثير الكتب وكثير الأشرطة وليس هو من ذوي العلم الشرعي تخصصه علم آخر وآخر ما بلغني أنه مساعد في كلية تكنولوجيا وتقنية أستاذ مساعد وهذا كافي في عدم الاعتماد عليه وعلى ما يحكيه ويقوله لأنه لكل علم أصول وقواعد ينبني عليها ولا يحذق أصول ذلكم العلم وقواعد إلا المتخصصون من أهله فالعلم الشرعي له أصوله وقواعده ولم يكن طارق سويدان حاذقا له إيه الذي حفظه الله تعالى طارق سويدان ستنم دي كويت لا بكو دو ليفر بكو دو كاسيت مي في با بارتي دي زون دو سيونس دو لا ليجيسلاسيون. Sa spécialité, c'est une autre science, c'est dans la technologie. Et les maîtres assistants dans une faculté de technologie au Koweït. Et ceci, cher dit, est suffisant pour ne pas prendre en considération ce qu'il raconte. Car chaque science, il a ses fondements et ses règles sur lesquelles est basée cette science. Et ne maîtrise ces règles et cette science que les hommes de la spécialité. Hein? Surtout en ce qui concerne la science de la législation, qui va la maîtriser? Ce sont les hommes de science de la législation. C'est pas les ceux qui sont spécialistes dans la physique ou la chimie qui vont la maîtriser. Ah ben, là ils vont maîtriser les règles et les fondements de la physique et de la chimie, il n'y a pas de problème. Mais là au niveau de la législation, ce sont les spécialistes de la législation qui maîtrisent. Et donc, la science de la législation, il a ses règles et ses fondements. Et Tariq Suidan n'a jamais été quelqu'un qui avait cette science, ni les fondements de cette science, ni qu'il était excellent dans cette science. يقول أما ما هو فالرجل إخواني وهذا يكفيك أخي الإسلام. وينطلق من قاعدة المشهورة التي ورثوها عن المنار فهي قاعدة المنار أولا ثم هي قاعدة الإخوان ثانيا قاعدة المعدرة والتعاون والتي هي أي بسطها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذه القاعدة دخلت على أهل الإسلام منها بلايا ورزايا ورزأ الإخوان المسلمين منها برزايا عظيمة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوقف من لم يكن منهم مهتديا إلى الحق للخصومة يوم القيامة فهي باب مفتوح على أهل الإسلام لكل نحلة ترزأ الإسلام سواء كانت هذه النحلة منتسبة إلى الإسلام كالرافضة الذين يسمونهم الشيعة أو غير إسلامية كاليهود والنصارى دي مي كي سي لوم لوي لو ميم لا بيرسون دو السودان سي كي لي سي ان نوم كي في بارتي دو لا سيك دي اخوان il part Tariq Suidan comme tous les اخوان et tous les théoriciens des اخوان parle de la règle réputée qu'ils ont hérité de le manar qui était la revue de Cheikh Reda rahimahullah. La règle, c'est une règle de le manar qu'ont hérité les Ikhwan après, et la règle dit ceci, c'est le fait de s'excuser dans l'entraide. Et la signification de cette règle, qu'on s'unisse sur les choses, qu'on s'entraide sur les choses sur lesquelles on est d'accord, et qu'on se ferme les yeux, on s'excuse sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et cette règle a rentré des grands malheurs dans l'islam et pour les gens de l'islam, et a causé beaucoup de catastrophes dans la communauté musulmane. Et les Ikhwan ont rentré avec cette règle des énormités dans la communauté musulmane. Et cher de faire dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ceux parmi eux, sinon les autres, ils auront à rendre des comptes le jour de la résurrection pour ce mal qu'ils ont induit dans la communauté. Et ils disent cette règle, c'est une porte qui est ouverte pour casser la communauté. Et pour rentrer dans la communauté, tous les groupes, que ce soit des groupes qui sont d'origine musulmane comme Rawafid, qui sont Shia, ce qu'on appelle Shia, ou alors, pour rentrer dedans aussi, s'allier avec d'autres groupes qui ne sont pas musulmans comme les juifs et les chrétiens. Ce qui se passe, ce qu'on appelle actuellement l'unicité des religions. Ou la fraternité des religions. Appelle-le comme tu veux. Tout ce qui a ramené cette gangrène et ce cancer qui grignote la communauté, c'est cette règle-là. On s'entraide sur les choses sur lesquelles on est d'accord, et on s'excuse sur les choses sur lesquelles on est en divergence. Cette règle, à partir de ce moment-là, la règle de l'alliance, il disait à vœux, il n'y a plus. C'est fini. Il n'y a plus. La règle, elle est morte. Cette règle, dans la base, et la parole d'Allah, et l'authentique de la sunna, et l'unanimité, elle est morte avec la règle de l'alliance des aveux. Devant cette règle innovée par l'Ikhwan, ça y est, il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus de 10 aveux. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on se caresse dans le sens du poil, et main dans la main vers notre perte. يقول حفظه الله والسويدان له شريط عندي يتضمن كلمة أو مشاركة في ندوة ألقيت في حسينية والحسينيات معاقل الرافضة وأماكن تجمعهم وعباداتهم يظهر من هذا الشريط التقريب الصريح بين أهل السنة والرافضة فإذا لا غرابة ما دام الرجل ينطلق من هذه القاعدة فله سلف وبئس السلف وبئس القدوة. Et il dit حفظه الله تعالى السويدان, j'ai une cassette entre mes mains où il a fait une conférence dans un débat, dans une réunion qui s'est faite dans l'un des clubs, l'Hassiniya, dans l'un des endroits où Rafida accomplissent, où Shia accomplissent leurs adorations. Il dit, il a parlé de ces paroles qui sont enregistrées dans cet audio. Clairement, l'appel vers le rapprochement entre les gens de la Sunna et Shia. Il dit, Havidallah Ta'ala, il n'y a rien d'étrange que ceci émane de quelqu'un comme Sweden, car l'homme, son point de départ, c'est cette règle. Et il a des aïeuls sur ce chemin. Et quel mauvais aïeul qu'il a, et quel mauvais exemple qu'il a pris. يقول فأولا حينما نشأت جماعة الإخوان التي أنشأها حسن البنا في مصر أظن في منتصف القرن العشرين الميلادي, هذا على تاريخهم هم ونحن لا نؤرخ بالميلادي, كيف أظهر حسن البنا هذه القافلة وأسس لها ودعا بها. Et il dit premièrement, quand est né le groupe des frères musulmans qu'avait fondé Hassan al-Banna au début en Égypte, cher dit, je crois, au milieu du XXe siècle, selon leur façon de dater, qui est une date chrétienne, et nous, on n'utilise pas cette date, il dit, comment Hassan al-Banna a fait apparaître cette caravane, la caravane des Ikhwan, et comment il a appelé les gens vers cette caravane. Il dit, فأولاً أنشأ دار تقريب بين السنة والشيعة في مصر وقال كلمات منها أن مراكز الإخوان وبيوت الإخوان مفتوحة للشيعة وكان يستضيف كبار الرافضة مثل نواف صفوي وكان يتصل بهم في الحج ويدغدغ عواطفهم ويلينهم بمقالات منها ليس بيننا وبينكم اختلاف وبيننا وبينكم أمور بسيطة يمكن حلها كالمتعة هكذا زعم فأين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل أين تكفيرهم إلا 3 أو 10 أو 7 أين قولهم إن القرآن محرف فهم يتعاملون معه حتى يظهر المهدي المنتظر وأين قولهم على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالبهتان فهذه كلها من مقولات الرافضة تغافل عنها حسن البنا ولم يرها شيئا لأنه يجمع ويقمش ويلفق Et premièrement, il dit, Hassan al-Banna a ouvert la maison du rapprochement en Égypte. La maison du rapprochement entre qui ? Entre Sunna et Shia. Et il a dit des paroles, fait partie de ces paroles, que les centres des Ikhwan et les maisons des Ikhwan sont ouvertes pour Shia. Et lui-même, il accueillit les grands parmi Rafida. Comme Nawaf Safawi. Et quand il allait faire son pèlerinage, il les rencontrait. Et il essayait de les adoucir et de les ramener vers le rapprochement. En leur disant, entre nous et vous, Rawafid, il n'y a pas de divergence. Les choses qu'il y a entre nous sont faciles, sont très petites, sont minimes. Comme le Mout'a. Et aussi, il minimise les trucs. Alors, où est l'insulte et les insultes que font Rafida vis-à-vis des nobles compagnons Ridwanullah alayhim. Certains ils rendent même mécréants les compagnons Ridwanullah alayhim par Rafida. Hein? Sauf 3 ou 7 ou 10, ils les rendent tous mécréants. Où est leur parole quand ils disent que le Coran il est falsifié? Qu'est-ce qu'il en a fait Hassan al-Banna et sa tendance? Donc eux, le Coran que nous avons, ils l'utilisent jusqu'à ce qu'apparaisse leur Mahdi attendu là. Et où est leur parole, les choses blâmables et les calomnies qu'ils disent sur Aïcha, la femme de la plus noble des créatures, qui est Mohammed alayhi salam. Tout ça, ce sont des paroles d'Al-Rawafid et autres. Et Hassan al-Banna les a mis de côté. Ils n'ont pas pris en considération. Et il voit que c'est rien. C'est parce que c'est un homme qui est comme le bûcheron de nuit. Hein? Il va dans la forêt et il ramasse. Ben, il ramasse du bois et en même temps il ramasse des vipères. Hein? Le bûcheron de nuit, il fait sa perte. Parce qu'il cueille le bois et après il met la botte pour transporter. Et des fois, dans la botte, il a une vipère. Alors, à peine il fait de paille. Hein? C'est ça, Hassan al-Banna, la tendance de Hassan al-Banna, il a sec des Ikhwan. Il n'y a rien d'étonnant que Tariq Soudan il agit ainsi, hein, quand tu sais que sa tendance, c'est les Ikhwan. Wataniyan, qala maqulatun hiya kufriyatun fil haqiqa. ولا تنقلوا عني أني أكفر البنا لكن المقالة كفرية قال ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية وإنما بيننا وبينهم خصومة اقتصادية والله أمرنا بمودتهم ومصافحتهم واستدل بقوله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وهذه رواها عنه محمود عبد الحليم وهو من خواصه في كتاب الإخوان أحداث صنعت التاريخ et deuxièmement Hassan al-Banna dit une parole mécréante de mécréance en réalité le Cheikh dit ne dites pas que j'ai rendu Hassan al-Banna mécréant non je dis il a dit une parole de mécréance hein? t'as bien compris t'as bien capté le message On va dire, hein, Cheikh, on va dire, on m'écrit Hassan al-Banna. Non, je te le répète encore. Hassan Ibna a dit une parole de mécréance. Le cheikh n'a pas dit qu'il est mécréant. Il y a une énorme différence. Hein? Il a dit, Hassan Ibna a dit une parole de mécréance. Il a dit qu'entre nous et les juifs, il n'y a pas un problème religieux. Mais entre nous et eux, il y a juste des problèmes économiques. Et Allah nous a demandé d'être, hein, d'avoir une fraternité avec eux, de les serrer, etc. Tu comprends pourquoi le Qardawi dit la même chose? Il la tient de son cheikh Hassan al-Banna. Le Qardawi dit la même chose. On vient vers le Qardawi et on lui dit, Hassan al-Banna, il dit ça. Il dit, je dis la même chose. Lui-même. D'où il le tient? De son cheikh Hassan al-Banna. Donc, quand on est dans une tendance, bah, on a tout de la tendance. On ne va pas sortir des fondements. Tu as déjà vu un tablir mettre de côté un des fondements de Jama'at Tablir? Bah, chez les Ikhwan, la même chose. Surtout chez les grands. Hein? Ils tiennent tous à leurs principes. Pour eux, les principes du groupe, c'est comme un Coran. Ils ne peuvent pas en sortir. Et il a pris comme verset. Il a utilisé un verset et ne litigez pas avec les gens, ne débattez pas avec les gens du livre, on ne litigez pas avec les gens du livre que de la meilleure des façons. Et ceci est rapporté par l'un des grands particuliers à Hassan al-Banna qui est en quelque sorte l'historien des Ikhwan, qui s'appelle Mahmoud Abdel Halim, qui a écrit un livre qui s'appelle Ikhwan, des événements qui ont fait l'histoire. Et il relate Toutes ces choses qui sont en divergence avec la voie du puiseur d'Allah Alim chez l'Ikhwan et chez les fondateurs de l'Ikhwan. يقول ثم بعد ذلك كل من كان على منهج البنا ومنهج الإخوان المسلمين في الدعوة هو على هذه القاعدة. Il dit après cela, tous ceux qui sont sur la même voie que le Banna et sur la voie des Ikhwan dans le prêche, ils sont sur cette règle qui veut qu'on s'unit sur les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse sur les choses sur lesquelles on est en divergence. Même s'il s'agit de la mécréance des compagnons. Même s'il s'agit de la calomnie de Aïcha radiallahu anha wa arda. Même s'il s'agit que les autres ils disent que le Coran il est falsifié. L'ayadan billah. Voilà la règle sur laquelle marche Suidan et tous ceux, hein, que tu as en France, comme Hassan Kouissan, comme Tariq Ramadan, tout ça, c'est la même tendance. Tous, ils sont sur la même lignée. Et leur règle fondamentale, c'est celle-ci. Hein? C'est pour ça que tu vois, ils ne sont jamais stables. Ils se colorent. Ils sont comme, dans les positions, ils sont comme des caméléons. Chaque fois, parce que c'est la politique qui les pousse. Hein? C'est pas une da'wa qui est basée sur Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la voix des nobles compagnons, etc. Là, c'est de la politique. C'est une place que tout un chacun cherche. Hein? C'est pour ça que il change d'avis d'un instant à un autre. Dans l'un discours de Hassan al-Banna ou de la de Kouissan, on est une demi-heure, 3-4 contradictions. Pourquoi? Parce que la base n'est pas solide à l'islam. Parce qu'on veut plaire à tout le monde. Et quand on veut plaire à tout le monde, on ramasse. Et on dit n'importe quoi. Et on desserte. Hein? يقول فانطلقت منها الدعوة إلى وحدة الأديان والحوار بين الأديان. فلا تجد إخوانيا جلدا إلا وهو على التقريب وأجلد من عرفنا في هذه الدعوة حسن بن عبد الله ترابي السوداني ويوسف القرضاوي المصري. ها إيه اللي حفظه الله تعالى de cette règle de chez l'Ikhwan est parti la da'wa vers le fait l'unité des religions et le débat entre les religions. tu ne trouveras pas un ikhwan confirmé là où il cherche le rapprochement entre Shia, entre les juifs, entre les chrétiens. Tu vois, les mosquées sont tenues par qui? Tu vois, pendant l'Aïd, pendant Noël, qu'est-ce que tu vois? Table ronde, monsieur le curé, monsieur le rabbin, et monsieur l'imam de l'EIF ou de la tendance d'Ikhwan. Simple, c'est la règle. C'est sur cette règle-là qu'il marche. Hein? Même si sur la table se dit la même créance, peu importe. Peu importe. Hein? Donc, Ikhwan confirmé, il est sur la voie du rapprochement entre tout le monde. Et il dit, les plus fermes dans tout ça, dans cette da'wah-là, qui est le rapprochement, l'appel vers le rapprochement entre tout le monde, Hassan ibn Abdullah Turabi Soudani, qui était le président de du Soudan à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala a débarrassé la communauté soudanaise de cet homme, qui est en réalité une calamité. Dans ce qu'il dit, même sur la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, Yusuf al-Qardawi, l'égyptien, يقول الشيخ حفظه الله فيوسف القرضاوي وعندي وثائق على ما نقله عنه يسمي هذه القاعدة بالقاعدة الذهبية ويعلل بالدعوة إلى وحدة الأديان بأن الحياة تتسع لأكثر من حضارة وتتسع لأكثر من دين بل الدين الواحد يتسع لأكثر من اتجاه فهي مطاطية يعني دين مطاط يتسع لعدة مشارع ينشئها القرضاوي ومن على شاكلته ليس هو دين الإسلام الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله لا عندهم الإسلام دعوة تجميعية تلفيقية تضم من تضم. Et il dit, Habibullah Ta'ala, en ce qui concerne le Qardawi, et j'ai des preuves sur ce que je transmets, ce que je dis, que cette règle, dit l'Ikhwan, il l'appelle la règle d'or. Qu'on s'unisse sur les choses sur lesquelles on est d'accord, qu'on se excuse sur les choses sur lesquelles on est en désaccord et en divergence, ça c'est la règle d'or chez le Qardawi. Et il prend cette règle pour prêcher l'unicité des religions. Et il dit que la vie, dans la vie, il y a de la place pour plusieurs civilisations. Et que la vie est très large, il peut contenir beaucoup de religions. Et il dit même une seule religion, il y a de la place, disons, pour beaucoup de tendances. Tout est large chez eux. Hein? Tout est large. Il n'y a plus de conditions. Hein? Tout est large, la porte est ouverte. Hein? Toutes les tendances peuvent être dans une religion. Ça veut dire que c'est une religion où la porte est ouverte pour les projets que va faire le Qardawi et ceux qui sont sur la même voie que lui. Et ce n'est pas la religion de l'islam qui a été transmise par Mohammed a.s. par les prophètes a.s. qui est le fait d'être soumis à Allah dans le monothéisme et de se conditionner pour Allah subhanahu wa ta'ala dans le bouillissance et de désavouer les mécréants et la mécréance. Parce que la règle, il détruit cette règle-là. Leur règle d'or détruit tout ça. Pour eux, l'islam, c'est tout simplement un prêche pour réunir tout le monde, n'importe comment. Tout le monde. Elle vient, soit avec nous, c'est tout. Là, l'islam, عندهم, مجرد دعوة جميعية, تلفيقية, تضم من تضم, هكذا. هكذا عند القرضاوي, فالرافضة والصوفية أصحاب وحدة الوجود, والباطنية, والحلولية, والقبورية. وأهل السنة على قول لا إله إلا الله ومختلفون فيما عدا ذلك إذن كل اجتهد فوصل إلى ما أدى به اجتهاده. Il dit حفظه الله تعالى pour eux Qardawi et sa tendance l'islam pour eux c'est une da'wa pour réunir tout le monde pour contenir tout le monde Rafida, ainsi que les Sophies qui croient en l'unicité de l'existence, que la créature et Allah c'est la même chose. Le Batiniya, ceux qui se disent que les textes ont une interprétation intérieure, qu'on ne connaisse que toi, le pauvre, qui te base sur Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit, etc. Tu n'es rien, tu sais rien du tout. Moi, ils ont une interprétation de l'intérieur différente. Il n'y arrive que à هذا الباطنية. الحلولية, ceux qui croient qu'Allah est dans les choses, qu'Allah rentre dans les choses. Et le Qubouria, les adorateurs de tombes, sont tous musulmans selon cette règle. Tous ils sont musulmans selon cette règle, dit l'Ikhwan, la règle d'or. Parce qu'ils sont tous unis avec les autres tendances de l'islam et avec les gens de la sunna. Sur quoi? Sur la ilaha illallah. Et ils sont en divergence dans les autres points. Ça, tout le monde a émis des efforts d'interprétation et chacun est arrivé là où l'a amené son effort d'interprétation. Hada pour la tendance d'Ikhwan, la tendance de Qaradawi et ceux qui suivent leur chemin. والمقصود أن طارق سويدان ينطلق من هذه القاعدة هذا في الطابع العام لدعوته إيه ce qui est voulu ici, il dit que Tariq Swidan, son point de départ dans sa da'wa en général, il part de cette règle qui est la règle de l'Ikhwan. أما مفردات دعوته فمنها نشر ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متفق على تركه بالإجماع وأنه محرم لا يجوز نشر ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدثه في أوساط المسلمين من الفتنة والتحيز إلى ما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه براء contre certains détails dans la da'wa de Tariq Swidan. C'est qu'il a propagé les litiges qu'il y a eu entre les nobles compagnons Ridwallah alayhim. Et ceci à l'unanimité chez les plus Ridwallah alayhim, c'est que à l'unanimité, le consensus veut qu'on le mette de côté, qu'on n'en parle pas. Il est interdit, il n'est pas permis de propager ce qu'il y a eu comme problème entre les nobles compagnons Ridwallah alayhim. Parce que ceci amène de la perturbation au milieu des musulmans. Il amène la fitna, il amène à certains, ils vont se pencher vers d'autres. Ils vont accuser les compagnons de choses que les compagnons en sont innocents. كذلك هو يعتمد الأسلوب القصصي وليس هو الأسلوب القائم على الكتاب والسنة. Et aussi Tariq Swidan utilise le style de conteur d'histoire. Le style du conte. Et ça, ce n'est pas le style qui s'accomplit sur le livre d'Allah et la sunna. بل الرجل قال مرة في نفس الشريط التي ذكرته لكم آنفا وهو يدعو إلى التقريب وهو يدعو إلى وحدة الصف واحترام المشاعر ما دام دعوتهم واحدة وهدفهم واحد فقال مثلا لا تسب أبا هريرة أمامي بسبوه في بيوتكم فهذا إقرار منه على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستنكر ذلك إذا كان هذا ظاهرا علنا لأنه يجرح المشاعر ويسيء إلى وحدة الصف والهدف ولعله قال هذا في وقت انتخابات إلى حفظه الله تعالى إلى دين فوا دون لا كاسيت كيش الشيخ حفظه الله تعالى. Dans ce cours où il appelle vers le rapprochement, c'est le Dieu dans lequel il appelle vers le rapprochement, alors qu'il appelle vers l'unité du rang, vers le fait de respecter les sentiments, tant que leur da'wa est unique, et leur but est unique. Il a dit par exemple, n'insulte pas en s'adressant au chi'i, au rafida, n'insultez pas Abu Huraira devant moi, insultez-le chez vous, mais n'insultez pas devant moi. Et ça, de sa part, c'est une approbation du fait d'insulter les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam. Mais il le blâme tout simplement si ça se fait en public et devant lui, car ça blesse les sentiments et ça fait du mal à l'unité du rang. Hein? Et ça fait du mal au but en commun. Et peut-être que ceci, il l'a dit à une époque d'élection. Parce que l'homme, comme tous les rois, sont des politiciens avant tout. Yaqul, hada fil haqiqati nubdatun mujazatun an suidan man huwa wa ma huwa wa ma yantaliqu minh. Fala'allakum araftum as-sabab wa qadiman qil idha 'urifa as-sabab batul al-'ajab. Il dit hafidhahullah ta'ala, et ça en réalité c'est un résumé sur Suidan, qui est Suidan, c'est quoi le point de départ de Suidan. Il dit, avant on disait, quand on connaît la cause, on n'est plus étonné. Quand on sait la cause, on n'est plus étonné dans ce cas-là. Quand tu sais la règle de laquelle il part, Suidan, ben, tu n'as plus d'étonnement à voir. C'est tout à fait normal qu'il soit ainsi. Yaqulu hafidhahullah, السؤال الثالث ما هو توجيهكم نحو شبه أهل البدع التي لا تكاد تنتهي شبه أهل البدع للشباب حيال هذا الأمر et il dit Abdallah, la question lui est posée, c'est quoi, comment vous orientez les jeunes par rapport aux ambiguïtés des gens de l'innovation qui ne se terminent jamais, les ambiguïtés des gens de l'innovation ne se terminent jamais. يقول حفظ الله تذكرون الحديث إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فمن القاصي منا هو الذي لا يرتبط بأهل العلم والفضل المعروفين بسعة الاطلاع وسداد المنهج وقوة الرأي والبصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل هذا لا بد أن تتوارد عليه الشبه يلدي حفظ الله تعالى فكنس الحديث ne mange, le loup ne mange que la brebis galeuse, celle qui est sortie du troupeau. Ah, il dit, qui est maintenant cette brebis galeuse? Qui est celui qui est? Ah, qui est sorti du groupe? Il a dit, celui-là, c'est celui qui n'a aucune liaison avec les hommes de science dignes du nom. Les hommes de science connus par leur science et par la droiture dans leur voix et par la voix saine. Et par la clairvoyance dont le prêche vers Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit celui-là, il n'y a aucun doute que ça va être un nid à ambiguïté. Ça va être quoi? Un nid à ambiguïté. Pourquoi? Parce que ce qu'il va le protéger, le fait de demander au don de Dieu, si l'on est loin, comment veux-tu qu'il soit épargné des ambiguïtés? Toutes les ambiguïtés, il va être comme une éponge. L'éponge dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il avale tout. Hein? La même chose, là. Loin des hommes de science, dignes du nom, ils se remplissent. يقول وعصر هذا اليوم اتصل بي شخص يقول انه طالب علم وكذا وكذا ودرس على بعض هيئات كبار العلماء الى اخر ما قال فقال انه اذا قرا ايات الوعيد يتاثر ويقول هذا عذاب مؤلم وكيف يكون عذابهم معنى كلامه هذه شبهتون شبه القاها الشيطان في قلبه فالذي يبدد عنكم الشبه عافانا الله واياكم في الدنيا والاخره ويقوي عزيمتكم ويرسخ أقدامكم ويملأ قلوبكم يقينا بمنهجكم وتباتا عليه التفقه في دين الله وسبيل ذلك الارتباط بأهل العلم والفضل ممن عرفوا بصحة المعتقد وصحيح وسداد المنهج يلدي حفظه الله تعالى من دون الاكزامبل دي في العصر دو جوردي ان جون Une personne qui se dit demandeur de science et qu'il a étudié certains grands hommes de science du comité des grands savants, etc. Jusqu'à la fin de ce qu'il a dit, il a dit quand, et ce jeune il lui dit quand je lis les versets de l'avertissement, je suis atteint, je le sens très fort, etc. Et ça m'atteint. Et il dit ils vont être châtiés, ce châtiment de leur roi, etc. Pourquoi? C'est-à-dire, l'ambiguïté dans sa tête, c'est de se poser pourquoi ils vont être châtiés comme ça. Jusqu'à la fin des paroles qu'il a citées à Cheikh. Et Cheikh de dire ça, c'est une ambiguïté que Shaitan a jetée dans son cœur. Mais celui, qu'est-ce qui va anéantir cette ambiguïté? Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, hein, dans ce bas monde et dans l'au-delà, dit Cheikh, et qui va renforcer votre ferme résolution, et qui va vous donner la fermeté dans votre marche, et qui va remplir vos cœurs de certitude sur votre voie, et vous raffermir sur cette voie, c'est le fait d'apprendre votre religion, la compréhension de votre religion. Et la voie pour y arriver, c'est de s'attacher avec les hommes de science et des vertus qui sont connus par l'authenticité de leurs croyances et par leur voix saine et authentique. Hada te donne le remède aux ambiguïtés. Comment t'en sortir? وَتَانِيًا أَكِبُّوا عَلَىٰ طَلَبِ الْعِلْمِ لَا تَشْبَعُوا مِنَ الْعِلْمِ تَزَوَّدُوا. Et il dit deuxièmement, acharnez-vous à la demande de la science et ne soyez jamais rassasiés dans la demande de la science. Prenez votre provision de la science. يَقُولُ وَثَالِثًا لَا تُعَرِّضُوا أَنفُسَكُمْ لِأَهْلِ الشُّبَهِ لَا تُحَاوِلْ أن تعرض نفسك وتقول أنا أنظر إلى ما عند هؤلاء. لا لا لا، كتر سواد أهل السنة واعتصم بالله ثم بهم، انضم إليهم، كن معهم، دع عنك هؤلاء، ما أنت بمسؤول، ولا تفكر في يوم من الأيام أنك تحرف الإخوانيين أو التبليغيين أو الصوفيين إلى السنة. هذا فيما يظهر لنا مما جرت به السنة في قدرة البشر مستحيل، هذه السنة الكونية، لكن نصح أفراد يمكن، ونفع الله بنصح أفراد، فابتعدوا عن مجالس هؤلاء فإنها وخيمة، والساحة النظيفة التي هي أفضل من سبائك الذهب ساحة أهل السنة والجماعة، ليس فيها كدر، ليس فيها إلا السنة، قال الله وقال رسوله وقال الصحابة. Il dit Hafidhallah Ta'ala, troisièmement, ne vous exposez pas aux ambiguïtés. Écoute bien, Akhal Islam. Toi qui cherches à débattre avec tout un chacun et qui veux écouter tout un chacun en disant ben, je vais faire la part des choses. Si tu n'as pas de règle de fondement, comment tu peux faire la part des choses, Akhal Islam? Tu vas tomber dans les ambiguïtés sur ta tête, Akhal Islam. Mais écoute bien, ne vous exposez pas aux ambiguïtés et aux gens des ambiguïtés. Hein? Et ne dis pas, moi je vais regarder ce qu'ils ont ces gens-là. Non, non. Va, grandis le nombre des gens de la Sunna et crampons-toi. Allah subhanahu wa ta'ala, cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis sois avec eux pour que tu sois protégé. Sois avec eux, délaisse de côté ces gens-là, les gens de l'innovation, etc. Éloigne-toi d'eux, tu n'es pas responsable d'eux. Et ne pense pas qu'un jour ou l'autre, hein, tu vas drainer vers la voie un ikhwani ou un tablighi ou un soufi vers la sunna. Il dit, ça c'est ce qu'on apparaît. La sunna est ainsi, la voie est ainsi, que les humains, c'est impossible qu'ils drainent quelqu'un vers la sunna. Ça c'est la sunna d'Allah, dans l'univers. Il dit, mais conseiller des individus parmi eux, c'est possible. Mais quand, pas dans leurs assises. Hein? Conseiller des individus, tu le rencontres, c'est un, hein, ton voisin de palier, etc. Tu as une sympathie avec, etc. Tu l'invites à l'aftor, kada, kada, tu peux y arriver. Hein? Et le conseil prodigué comme il se doit, il est bénéfique. Et ça a été bénéfique à certains individus, dit Cheikh Hafidhallah Ta'ala, mais il dit éloignez-vous de leurs assises. Va pas rentrer dans leur centre. Va pas rentrer dans leurs assises d'enseignement, ni dans les bayans d'établir, après je dis, je vais, hein, tu feras rien du tout. éloigne-toi. Car leurs assises, hein, c'est pas des assises qui sont pures à l'islam. Il y a des lacunes dedans, beaucoup d'ambiguïté à l'islam. Et le terrain propre et pur est mieux que hein, les tapis en or et les salons en or. Hein. Le terrain des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, il n'y a pas d'impureté dedans. Il n'y a que la sunna. Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit. Thumma idan yaqul, idha عرضت لهؤلاء شبه عرضت لهؤلاء شبه بليت بها فردوها فورا إذا عرضت لهؤلاء شبه بليت بها فردوها فورا وإن لم تستطع فاسأل أهل العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسأل أهل العلم فالحقيقة نحن نعاني من صنفين أو ثلاثة من شباب السلفية ومن خلالهم جاء التفكك والضعف. Il dit, حفظ الله تعالى, ensuite, si tu t'es exposé à ces gens-là que tu as attrapé des ambiguïtés, hein? Non, si tu, les ambiguïtés, ramène-les vers les gens de la sunna, ils vont les réfuter directement et tout de suite. Et si tu ne peux pas, demande aux hommes de science. Car il est dit dans le verset, demandez aux hommes de science, si vous ne savez pas, demandez aux hommes de science, et il dit, Havidallahu ta'ala, et en réalité nous souffrons, hein, de deux catégories, trois de catégories de jeunesse salafi. Et à travers ces trois catégories de la jeunesse salafi, c'est là où vient la division, où vient la faiblesse. Fais attention, ne sois pas par une, hein, l'un d'eux, dans l'une de ces catégories-là. الصنف الأول صنف لا يستقر فتجده كل يوم في جهة فهو أشبه بحامل الكشكول يعني الكراسة العامة ما يتحرر عن أي مجلس إخواني تبليغي صوفي والنتيجة بلبلة الأفكار بل وبعضهم انسلخ وانحرف عن السنة وتميع وبعضهم والعياذ بالله أصابت حيرة لا يدري ماذا يصنع وانتابته الوساوس والقلق والتشويش الفكري. Il dit, la première catégorie, c'est une catégorie qui n'est pas stable. Aujourd'hui, dans une direction. Il est comme quelqu'un qui a un cahier dans lequel il prend des notes générales, tout. Hein? Il va à l'assise des Ikhwan, il marque. À l'assise des Tablir, il marque. À l'assise des Sofi, la même chose. Et le résultat, perturbation d'esprit. Certains parmi eux qui agissent ainsi, hein, ont dévié de la Sunna. Ils sont devenus Moumayyah. C'est-à-dire avec tout le monde. Adal Moumayyah. Être avec tout le monde. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Hein? Comme on vous dit en français, il mange à tous les râteliers. Il n'en rate pas un. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il est atteint par l'hésitation. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Hein? Il psychote. Il est triste. Il est perturbé dans son esprit. As-sinfu al-tali, sinfu al-muta'ajjil. قرأ شيئا من الكتب فتصدر يعني مرتبة بأهل العلم حتى ينبت فكره ويشتد ساعده ويعرف أصول العلم الذي درسه والمنهج الذي ينتهجه وهذا كثيرا ما سبب النفرة بين الشباب لأنه يصدر أحكاما لا يعرف كيف يصدرها. Et voici une catégorie qui est dangereuse, très très dangereuse. C'est une catégorie qui sont pressés. Speed. Il a lu quelques bribes de certains livres et après il s'est mis au devant de la scène. Il n'a pas eu de relation avec les hommes de science pour que son esprit puisse se renforcer et naître et grandir et se renforcer avec les fondements de la science, et pour qu'il soit renforcé dans les fondements de la voie. Et cette catégorie-là cause beaucoup. Hein? Le fait que les jeunes se sauvent et s'éloignent, car ils imitent des sentences et ne savent pas comment émettre ces sentences. Hein? Toi, tu vois des fois des jeunes, à peine il a connu Salafi en 2008, en 2011, il est prêcheur. Et il n'a pas ni été au Yémen, ni été en Arabie Saoudite à une faculté, ni à étudier une âme nulle part. Son arabe demande d'être arabisé. Il ne s'est fait pas faire la différence entre le cou et le bou. Hein? Et il se prend pour Ibn Taymiyyah de la cité. Hein? Et ça amène beaucoup de dégâts. Imam Malik, rahimahullah, rouya anhu annahu qal, ma aftaytu hatta adina li 70 min mashayikhi. Imam Malik, rahmatullah alayhi, disait: je n'ai pas émis de verdict jusqu'à ce que 70 cheikhs parmi ses profs lui ont donné l'autorisation d'émettre les verdicts. Et Allah, où sommes-nous de cela? 70 cheikhs. Ah, une fois que 70 lui ont donné l'autorisation de donner le verdict, à ce moment-là, il l'a fait. Qila, walaw lam ya'dhanu lak, qala ma aftayt. Et il lui a dit: et s'il ne t'avait pas autorisé, qu'est-ce que tu aurais fait? Il a dit: j'aurais jamais donné le verdict. S'il ne m'avait pas donné l'autorisation, je n'aurais pas fait de verdict. Et un petit peu la clairvoyance des hommes de science, bon, alors que là, nos générations sont pressées. Hein, ils veulent tout de suite arriver à quelque chose. Ils veulent tout de suite. Yahi, doucement, étape par étape. Et regarde la sunna d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, est capable de créer n'importe quoi, n'importe. Hein, soit il est. Hein? Et pourtant, pour te montrer que la sunna veut que tu ailles étape par étape, il a créé les cieux et la terre. Hein? Hein? Ça, il faut. Et, subhanallah al-azim, dans tout ce qui est mondain, on respecte les étapes. Et quand il s'agit de la religion et la da'wah, on ne respecte pas les étapes. Hein? Dans tout ce qui est mondain, même dans la, les études, hein, la, hein? Qui vont servir juste pour ce bas monde, tu es obligé de passer par le CP, le CE1, ta AD, etc. Hein? Le collège, le lycée, la fac, interdit, une par une, tu vas pas. Hein? Direct, du CP à la fac. Ça fait quoi? Et ça, pourtant on a l'exemple, il est clair devant nous, et on ne le respecte pas. Pour être plombier, on apprend. On prépare son CAP, et ainsi de suite. Pour être électronicien, et ainsi de suite. Tout ça, on sait le faire. Mais quand il s'agit de la da'wah, et quand il s'agit de la science du livre d'Allah, et de l'authentique de la sunna, là, la porte est ouverte à tout le monde. Hein? Tout le monde peut dire, hein? أما شبابنا بعضهم لا يعلم عنه شيخه أين يجلس وكانوا قديما لا يجرؤ التلميذ على التعليم والفتوى حتى يستأذن مشايخه يأذن منهم إذنا بل ويحددون له المكان الذي يجلس فيه هذا توقير عظيم جدا تربى السلف على هذا تربى منهم اللاحق والسابق أخذ هذا اللاحق عن السابق تربوا على هذا وقديما قالوا امتحنوا أهل مصر بالليت وأهل الشام بالأوزاعي وأهل الموصل بالمعافى بن عمران وغير ذلك et il dit حفظه الله تعالى quant à notre jeunesse, certains, leur cheikh, il ne sait même pas où il s'assoit, il ne connaît même pas leur place où il s'assoit. Il dit: et avant, l'étudiant n'avait pas, ne se permettait pas d'enseigner ni de faire le verdict jusqu'à ce que son cheikh qu'il demande l'autorisation à son cheikh. C'est son cheikh qui lui ordonne. Et même son cheikh, c'est son cheikh qui lui limite la place où il doit aller. La place où il va s'asseoir pour enseigner, c'est le cheikh qui lui dit. C'est là. Et ça, c'était les nobles et le noble respect qu'ils avaient de des hommes de science. Sur ce noble respect étaient éduqués Salaf Ridwanullah alayhim. Hein? Les anciens ont éduqué ceux qui les ont suivis et ainsi de suite. Ils ont été éduqués sur cette voie-là. Et avant, on disait, éprouver les gens de l'Égypte avec l'Eit. Ah, c'est une éminence de science. Vous voulez savoir si quelqu'un est de la Sunna, si il est d'Égypte, demande-lui ce qu'il dit de l'Eit. Et les gens du Sham, du nord de l'Arabie, vous les éprouvez avec l'Aouza'i. Et les gens de Mosul, en Irak, vous les éprouvez avec Mu'af ibn Imran. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous, on dit à notre jeunesse qu'il faut éprouver les gens avec Cheikh Rabi'. Qu'est-ce que tu dis de Cheikh Rabi'? Hein? Il faut les éprouver avec Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali. Il faut les éprouver avec Cheikh Ubaid. Il faut les éprouver avec Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad. Avec Cheikh Fawzan, et la liste est longue. À chaque époque, ces hommes. Qu'est-ce que tu es, quoi? Qu'est-ce que tu dis du Cheikh Fawza? Qu'est-ce que tu dis du Cheikh Rabi? Et de là, tu connais la tendance de la personne. Et tu peux le classer. Hein? يقول والصنف الثالث صنف في الحقيقة ما عنده فرقان ما يستطيع أن يستوعب عندهم نية طيبة فقط فيمكن أن يرد عليه عدة مشارف في اليوم الواحد وهو من حيث معتقده طيب ومن حيث محبته للسلفية طيبة لكنه ليس عنده فرقان حتى يعرف من يوالي ومن يعادي ومن يستنكر له ومن يوسع له صدره. وهذا أيضا بلية السلفيين. La troisième catégorie, c'est une catégorie en réalité, ils ont aucun sens de discernement. Il peut pas capter les choses. Il a une bonne intention. Il est bon. Mais tout arrive vers lui, il gobe tout. Dans la même journée, il gobe tout. Dans ses croyances, il est bon. Dans son amour de la salafia, il est bon. Mais il n'a pas de discernement. Il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Il sait pas. Il n'a pas ce sens de discernement pour pouvoir savoir avec qui s'allier et qui désavouer. Hein? Qui accueillir et qui rejeter. Et ça aussi, c'est une épreuve pour les salafis. هذا أيضا بلية على السلفيين قد يقوي يقوى به المبتدع من حيث لا يشعر يقون به فلا بد من الفرقان. Il dit ça, c'est une épreuve pour les salafis, parce que même les innovateurs vont se renforcer par cette personne-là de là où ils ne le sentent pas. Donc il est obligatoire d'avoir un sens de discernement. Hein? يقول النصيحة مقبولة ولا بد منها لكن يا أبنائي النصيحة لها حد محدود. Il dit, et le conseil est accepté. Le fait de prodiguer le conseil, il est obligatoire, il faut l'accepter. Il dit, mais mes enfants, le conseil, il a ses limites. Il a une limite. يقول فالشخص المبتدع إذا رأيت أن قربك يؤثر فيه ويكسر حدته في البدعة ويقربه إلى السلفية فعليك به كن معه لكن إذا لم يكن نصحك نافعا له ولا مفيدا فانفض يدك منه ثم بعد ذلك عامله بما يستحق قد يهجر وقد لا يهجر ولكنه يحذر من أفكاره هذا أمر راجع إلى قاعدة النظر في المفاسد والمصالح المترتبة على ذلك المهم أنه لا بد أن يكون عند السلف فرقان يعرف من يوالي ويعرف من يعادي ويعرف من يقوي شوكته من الناس ومن يكتل سوادهم. إلدي حفظ الله تعالى le conseil est accepté, il est obligatoire. Dis mais mes enfants, le conseil il a sa limite. Tu comptes à l'innovateur, la personne innovateur, si tu vois que le fait de te rapprocher de lui va l'influencer, il va un petit peu anéantir et diminuer sa bid'a, il le rapprochait vers la salafia, reste à ses côtés. Sois avec lui. Mais si ton conseil que tu lui prodigues n'est pas profitable pour lui, ni il en tient compte, ni il en profite, débarrasse-toi de lui, éloigne-toi de lui. Et après, ton comportement va être comme il mérite. S'il mérite de le mettre à la quarantaine, de ne plus lui parler, il doit être mis à la quarantaine. S'il ne mérite pas, ben il ne sera pas mis à la quarantaine. Mais il faut faire attention à ses pensées et à ses idées. Et ceci revient vers le fait d'utiliser la règle, hein, à regarder dans le bien et dans le mal. De regarder le mal qui va découler du fait de le mettre à la quarantaine ou pas. Hein? L'essentiel, c'est que le salafi, il doit avoir un sens de discernement. Et il doit savoir discerner qui, avec qui il doit s'allier, qui il doit désavouer, avec qui il doit être et qui il doit renforcer, hein, et qui il doit laisser de côté, s'en éloigner, akhal islam. Et ça, on va revenir, et pour faire la part des choses, et savoir quand est-ce que, hein, ceci est bien et ceci est mal, ceci demande de nous un apprentissage. Et en général, ramener le bien et repousser le mal, ceci tu dois revenir, tant que tu es novice, tu dois revenir vers les hommes de science, leur détailler la situation. Eux, ils savent comment ramener le bien et comment repousser le mal. Et quelle est la position adéquate à adopter pour ne pas être injuste vis-à-vis de qui que ce soit. Et cher de dire, بل يمكن أن يكون هناك صنف رابع يوجد من الشباب من يحب المنهج السلفي ولكن لا يسلكه في دعوته وينتسب للسلفية هكذا ويحب السلفيين لكنه قد يقع في بعض المخالفات البدعية بحجة أنه يريد أن يقرب هؤلاء أبدا ما كان السلف على هذا بارك الله فيكم السلف يصدعون بالمنهج السلفي ولا يرون كرامة عين لمن تنكر له. Il dit, il peut être mis y avoir une quatrième catégorie parmi les salafis qui fait faiblir le rang des salafis. Et des jeunes qui aiment la voie salafie, mais ils ne la prennent pas dans leur prêche. Ils se disent salafis. Ils aiment les salafis. Mais ils tombent dans certaines divergences innovatrices, dans certaines innovations. Hein? Par prétextant qu'il veut rapprocher ceux-là. Il se rapproche de ces innovateurs, il tombe avec eux dans l'innovation, se disant qu'il veut les rapprocher. Cheikh, il dit jamais Salaf n'était sur cette voie-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Salaf, hein, déclare la voie salafie haut et clair. Hein? Et il ne voit pas l'honneur à quelqu'un qui ne reconnaît pas la voie salafie ou qui la rejette. Il ne voit pas l'honneur à quelqu'un qui rejette la voie salafie. Au contraire. السؤال الرابع هذا سائل يدعي أنه عامي ويشتكي من كثرة توافد جماعة تبليغ على بابه ولا يدري ماذا يفعل بهم. La quatrième question, il peut vous arriver. Hein? Il dit, c'est quelqu'un qui pose la question. C'est un ami. C'est-à-dire, l'ami, c'est, ça vient de l'ama, l'aveugle. C'est-à-dire, les situations, dans les situations, il est aveugle, il ne sait pas quoi faire. Hada l'ami. Hein? Les situations ne sont pas claires pour lui. Parce qu'il n'a pas de base, il n'a pas de science, etc. Et ce ami, ce commun des musulmans, se plaint que beaucoup jamaat tablir vient frapper à sa place, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne sait pas quoi faire avec eux. يقول اولا عليك باهل العلم كما قدمنا الذين عرفوا بسداد المنهج وصحة المعتقد خذ عنهم تعلم. Il dit premièrement, je dis Comprends-toi aux hommes de science, oriente-toi vers les hommes de science. Comme je te l'ai dit auparavant, ceux qui sont connus par un ménage sain et par une aqida authentique, des croyances authentiques, prends de la science. وَتَانِيًا اُطْرُدْهُمْ قُلْ لَهُمْ لَا أُرِيدُكُمْ وَلَا تَأْتُونَ أَبَدًا مَا أَنَا مِنْكُمْ وَلَسْتُمْ مِنِّي اِذْهَبُوا عَنِّي لَا أُرِيدُكُمْ. Et deuxièmement, chasse-les. Hein? Tu leur dis, je ne vous veux pas. Ne venez plus frapper chez moi. Je ne suis pas de vous, vous n'êtes pas de moi. Laissez-moi. Hein? فَجَمَعَةُ التَّبْلِيغِ جماعة بدعية ضالة مضلة وهي صوفية مقنعة ينتهي الأمر يعني أمر من ينخرط فيها إلى المبايعة على أربع طرق صوفية وهي الجشتية والقادرية والنقشبندية والسهروردية إلى حفظه الله تعالى باسكو جماعة تبليغ est une jamaa de l'innovation et innovée et c'est une jamaa d'égarement et d'égarée une jamaa qui dans l'égarement et qui égare. Et c'est une sophie déguisée. La situation de celui qui adhère, qui rentre avec eux, va se terminer. Qu'est-ce qu'il va faire à la fin? L'allégeance sur quatre voies sophies. Qui sont le Jushtiya, le Qadiriya, le Naqshbandiya, le Sahrawardiya. Il dit, waqra, barakallahu fik, ma katabou Cheikh Saad al-Hassid, hawidahullah, wa ma katabou l'akh Nizar Jarboui. وما كتبه الشيخ حمود التويجري رحمه الله كذلك من كتب من كتب قبل الشيخ محمد أسلم رحمه الله وشرح كتاب الشيخ محمد أسلم أظن جماعة تبليغ ما لها وما عليها وكذا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله في السراج المنير إيه اللي حفظه الله تعالى كالله سبحانه وتعالى التوبينيس لي سكي كريس الشيخ سعد الحصين حفظه الله. Et ce qu'a écrit le frère Nizar Jarboui concernant ce groupe, ce qu'a écrit Cheikh Hamoud Twijri, c'est le livre le plus complet sur ce groupe innové. Et ce qu'a écrit ceux qui ont cru avant, Cheikh Mohamed Aslam, qui est un Pakistanais, rahimahullah, et l'explication qu'a donné Cheikh Taqiyuddin Hilali, hein, de l'écrit de Mohamed Aslam, qui est Siraj al-Munir. يقول وختاما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتيب الشيخ على هذه الكلمة العظيمة ونجعل هذه الكلمة في ميزان حسناته ونبيض وجه شيخنا وتبيض وجوه وتسود وجوه وأن يجعله في عليين. Et à la fin le présente à celui qui a posé les questions à Cheikh, il dit à la fin demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermir Cheikh et qu'il le récompense pour cette noble parole et que ces paroles soient dans la balance de ses œuvres et qu'il embellisse son visage et qu'il illumine son visage le jour où des jours vont être illuminés et des jours vont être sombres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il soit dans les hautes sphères et prières et salutations sur le messager alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.